seul, voyage au long cours, l'amour et la mer, l'écume de nos jours, nos années-lumière, parties en poussière. Toucher le soleil, quitter la porte.